Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment ? Non ! Maudite soit la Valtaille qui ne saurait nous laisser en repos. Voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Monsieur, je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit deux, son congé sera le troisième. Voyons. Viens donc, impertinent. Ce sont des injures et non pas des mots, cela. Ma reine, excusez. Faites. Débarrasse-moi de tout ceci, ne te livre point. Paraît sérieux, rêveur et même mécontent. Entends-tu ? Mais oui, mon ami, ne vous inquiétez pas et retirez-vous.